sens tes larmes couler dans mon dos. Tu n'as pas dormi cette nuit. Tu entends déjà le chant des oiseaux. Tu me vois partir. Je me prépare deux, trois affaires. En fait, quasiment rien. De toute façon, y a pas à s'en faire. La guerre finit demain. Je suis marié depuis maintenant deux jours. Je m'en vais en guerre, mon amour. Sur le chemin, j'ai le cœur lourd. Je m'en vais en guerre, mon amour. À peine arrivé sur le champ de bataille, on compte déjà les morts. On me dit que c'est qu'un détail, qu'il faut y croire encore. J'ai compris la solution pour survivre ici. Se planquer derrière la chair à canon et perdre quelques amis. Je t'écris des lettres tous les jours. Je suis à la guerre, mon amour. Tu me réponds que tu m'aimeras toujours. Je suis à la guerre, mon amour. Que ça fait 6 mois que tu portes dans ton ventre un enfant de moi. 3 mois plus tard, ta mère m'écrit qu'il me faut rentrer. Que dans quelques jours, la guerre sera finie, qu'il faut se dépêcher. Je vois ton sang tous les jours. Je reviens de guerre, mon amour. Notre vie est trois, nous en prenons son cours. Je reviens de guerre, mon amour. Hey, yeah. Ton regard de velours, je lui parle de toi, mon âme.